Ils disent eux-mêmes qu'ils sont les oubliés de l'histoire, les Kurdes. Un peuple éclaté, un peuple sans patrie, de 25 millions de personnes réparties sur au moins 4 pays, tous farouchement opposés à l'idée d'un Kurdistan indépendant. Nous avons parlé la semaine passée avec M. X de la question kurde dont, à la lumière des derniers événements, on voit toute l'importance. Une question difficile, une véritable épine plantée dans ces régions montagneuses aux confins de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran. Les Kurdes n'ont jamais cessé de revendiquer et de se battre contre leurs oppresseurs, mais ils sont aussi profondément divisés et leur lutte fratricide ne se compte plus. En outre, ils ont souvent été manipulés par les États de la région pour déstabiliser leurs voisins, manipulés et abandonnés dès qu'ils n'étaient plus utiles. La Turquie, où vit la moitié des Kurdes, est sans doute le pays qui a mené la lutte la plus implacable, la plus longue aussi, contre le nationalisme kurde. Villages rasés, massacres, viols, tortures, déportations, rien n'a été épargné aux Kurdes qui, il faut le reconnaître, n'ont pas été en reste. Leur principal mouvement de résistance, le PKK, a lui-même pratiqué le terrorisme aveugle et épuré sans pitié dans ses propres rangs. Le chef du PKK, Abdullah Öcalan, a été capturé par les Turcs en février 1999 au terme d'une traque de plusieurs mois. Une affaire qui demeure encore largement mystérieuse. Comment les services spéciaux turcs ont-ils pu s'assurer de la personne du leader kurde dans un pays africain, le Kenya, alors même qu'il se trouvait à l'intérieur d'une enceinte diplomatique, celle de la Grèce? Quelles ont été les complicités mises en jeu? Qui avait intérêt à aider les services turcs? Autant de questions auxquelles M. X se propose de répondre. Alors, parlons d'abord de Öcalan, si vous le voulez bien, car ce n'est pas un personnage ordinaire. Pour les Turcs, Apo, comme on le surnomme, est un terroriste de la pire espèce, une sorte d'Abu Nidal, une conviction partagée par pas mal de services de pays occidentaux où Öcalan a sévi. Mais pour les Kurdes, malgré ses crimes et ses exactions, des exactions parfois dirigées contre son propre peuple, Abdullah Öcalan est un héros. Ouais, le symbole de la résistance kurde. Incontestablement. Ce type d'une cinquantaine d'années, au trait massif, barré d'une moustache à la Saddam Hussein, est un leader charismatique. Un tribun aussi, capable de prononcer d'interminables discours où il cite pêle-mêle Marx, Mao ou Garibaldi. Ouais, un leader d'extrême-gauche, donc. Oui, un marxiste-léniniste. Et pourtant, dans sa jeunesse, Öcalan, très influencé par l'imam de son village, a été un musulman accompli. Ah ouais. Quand passe-t-il à l'action? C'est en 1978 qu'il crée le PKK, le Parti des Travailleurs Kurdes, un parti qui opte très vite pour la lutte révolutionnaire armée. Une anecdote intéressante. Parmi les fondateurs de ce nouveau mouvement, il y a une jeune femme. Öcalan l'épouse, mais il ne tardera pas à la répudier en l'accusant d'être un agent des services secrets turcs. Et c'est vrai? Ça, j'en sais rien, mais c'est très révélateur de la psychologie du personnage. Öcalan, dès ce moment, est prompt à voir des traites partout. Et il met en place des tribunaux populaires chargés de juger et d'éliminer les camarades suspects. Autant vous le dire, il ne fait pas bon s'opposer à Öcalan. Il règne en dictateur sur son mouvement et instaure un véritable culte de la personnalité. À sa façon, c'est un Staline. Et il engage donc la lutte armée contre les Turcs. Pas immédiatement. Le PKK porte ses premiers coups contre les collabos, comme dit Öcalan, c'est-à-dire les Kurdes assimilés qui coopèrent avec les autorités turques. Le leader kurde instaure une véritable contre-terreur dans le Kurdistan turc. Et au fond, il utilise les mêmes méthodes que l'armée qui ratisse, tue et déporte. Mais pour être tout à fait juste, Ankara mettra sur le compte d'Öcalan la responsabilité d'exactions commises par ses propres troupes. Ouais, c'est plus pratique. C'est bonne guerre, si je puis dire. Il en a toujours été ainsi dans les conflits coloniaux. Oui, vous avez raison. En tout cas, Abdullah Öcalan devient très vite la bête noire des autorités turques. Et en 1980, très peu de temps avant le coup d'État perpétré par les militaires turcs, il prend la mesure du danger et passe au Liban. Il était temps, parce que l'armée va procéder à des rafles monstres dans les milieux kurdes. C'est désormais du Liban que Öcalan va diriger la guérilla anti-turque. C'est là aussi qu'il noue des contacts avec d'autres organisations révolutionnaires ou terroristes. Quand les Israéliens envahissent le Liban en 1982... L'opération Pean Galilée. Qui se terminera par les massacres de Sabra et Shatila. Donc Öcalan fuit une nouvelle fois, il se réfugie à Damas. Et pourquoi Damas alors? La Syrie a une frontière commune avec la Turquie. Ce sera donc possible au PKK de lancer des raids contre l'armée turque à partir de la Syrie. Ensuite, la Syrie et la Turquie n'entretiennent pas d'excellentes relations, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la question épineuse entre les deux pays, c'est la ressource hydraulique. Les eaux de l'Euphrate? Oui, ce fleuve mythique prend sa source en Arménie turque. Or, les autorités d'Ankara ont entrepris de construire plusieurs barrages sur son cours afin d'irriguer leurs terres. Autant d'eau en moins pour la Syrie où coule ensuite le fleuve avant de rejoindre l'Irak. Ouais. De l'eau volée, en somme. C'est ce que pensent les Syriens. Mais ils n'y peuvent jamais, parce que le robinet se trouve en Turquie. Et que ce sont les Turcs qui peuvent l'ouvrir largement ou bien au contraire réduire son débit. Et vous allez voir que dans l'affaire Öcalan, cette question va avoir une très grande importance. Mmh. Oui, parce que les Turcs peuvent ainsi faire pression sur les Syriens. Naturellement. Mmh. Donc, Öcalan est confortablement installé en Syrie où bientôt il disposera d'une chaîne de télévision qui lui permettra de haranguer ses partisans. Tout au long des années qui suivent et jusqu'au milieu des années 90, la guerre civile entre les militants du PKK et l'armée turque fait rage. Je vous passe les assassinats, les exécutions sommaires, les exactions commises contre les populations civiles. Ouais, mais de part et d'autre, on ne se fait pas de cadeaux. Non, non. En 1995, la Turquie lance une opération militaire de grande envergure contre les bases arrières du PKK en Irak. C'est l'opération Acier. Cette intrusion dans un pays étranger est condamnée par de nombreux pays, surtout en Europe. Mais les États-Unis, il faut le souligner, approuvent la Turquie. C'est pas très étonnant, hein. Autant que la Turquie est un allié. Oui, oui, cette opération Acier est très dure. Des centaines de combattants du PKK sont tués. Mais beaucoup d'autres parviennent à fuir et trouvent refuge en Syrie. À Ankara, on est furieux. Et on exerce immédiatement des pressions sur le président Hafez al-Assad. On lui demande de cesser de soutenir le PKK. Ces pressions, alors, l'eau toujours ? Bien sûr, c'est très pratique. Mmh. Et comment réagit le président syrien ? Ah ben, il feint de se soumettre, il signe même un accord avec Ankara, au terme duquel il s'engage à rompre avec le PKK. Mais en réalité, il n'en fait rien ? Non. Non, l'aide apportée aux Kurdes est désormais plus discrète. En fait, Hafez al-Assad ferme les yeux, c'est tout. Mais Öcalan ne s'y trompe pas. Il devine que tôt ou tard, le président syrien finira par le lâcher et qu'il exigera son départ. Parce que la pression turque sera de plus en plus forte. Mais aussi parce que les Américains vont peser de tout leur poids. Mais en quoi, là, sont-ils concernés, eux ? La Turquie, c'est vous-même qui l'avez souligné, est l'un des meilleurs alliés des États-Unis dans la région. Washington soutient donc naturellement l'effort de guerre d'Ankara contre les séparatistes kurdes. Les Américains ont toujours pris position contre la création éventuelle d'un Kurdistan indépendant. Création qui, selon eux, risquerait de déstabiliser toute la région. En outre, il ne faut pas l'oublier, le PKK est rangé dans la liste des organisations terroristes. Ouais, donc c'était une cible pour la CIA ? Mais forcément, puis il y avait Israël. Mais attends, pourquoi Israël ? À partir du milieu des années 90, Israël et la Turquie ont amorcé un rapprochement très spectaculaire. Ils ont même signé un accord de coopération militaire, incluant des échanges de renseignements sur les mouvements terroristes. Et quand je dis spectaculaire, je n'exagère nullement, car Israël avait d'abord soutenu les Kurdes. Mais pour quelle raison ? Mais comme d'autres, l'État hébreu s'est servi des Kurdes pour déstabiliser les pays de la région qui lui étaient hostiles, surtout l'Irak. La conséquence immédiate de cette nouvelle alliance, c'est que la Syrie s'inquiète, car elle se trouve en quelque sorte prise entre deux feux. Au nord, la Turquie, au sud, Israël. Dans ces conditions, les dirigeants syriens ne pouvaient guère ne pas être sensibles aux sirènes américaines. Étrange personnage, Öcalan, et mégalomaniaque, à coup sûr. J'ai retrouvé dans son journal l'Indépendance, cet étonnant texte qu'il a écrit lui-même. Moi, j'ai une technique que peu de gens auraient pu imaginer. Devenir, à moi seul, une armée. Une force de mobilisation extraordinaire, un événement en soi. Je suis actuellement une technique d'organisation. Ma pensée est totalement intégrée à cette technique. Je vaux tout seul autant que tout le PKK, et je vais de l'avant contre vents et marées. Si un peuple manque d'argent et d'armes, s'il n'a pas d'appui solide derrière lui, son leader peut s'élever à un niveau où il compensera tous ses manques. Voilà, c'est ce que je suis. L'homme est donc une technique encore plus redoutable que la bombe atomique. Il est une arme, c'est ce que j'ai démontré. C'est en octobre 1998 que le président syrien se décide enfin à expulser Abdullah Öcalan. Mais le départ du leader kurde se fait dans des conditions très étranges. Ce sont des agents du FSB, le service secret russe, qui a pris la succession du KGB, qui prennent en charge Öcalan. C'est effectivement étonnant. Alors, pourquoi les Russes ? Ben, ils ont longtemps soutenu le combat des Kurdes. En outre, historiquement, les Russes ont toujours entretenu de bonnes relations avec la Syrie. Et surtout à l'époque soviétique. C'est évident, mais ça laisse des traces. En particulier à travers les liens noués entre services secrets. Et puis, il y a une autre raison. Öcalan, ne l'oubliez pas, est considéré comme un terroriste dans nombre de pays occidentaux. Donc, il ne peut pas trouver asile n'importe où. Et surtout, On doit prendre un luxe de précaution pour organiser son départ dans la plus grande discrétion. Mmh. Alors, pris en charge par les services secrets russes, là, il part où? Pour Moscou? Oui, oui, il ne voyage pas tout seul. Trois femmes l'accompagnent, sa secrétaire et ses deux compagnes. Ah, et deux compagnes? Eh oui, le marxiste Ocalan est aussi un musulman. D'ailleurs, il a de plus en plus tendance à se prendre pour le prophète. Complètement mégalo, non? Oui, certainement. À Moscou, on n'est pas franchement enthousiasmé à l'idée d'accueillir le leader kurde. Mais le gouvernement russe, qui est alors dirigé par Evgeny Primakov... Un ancien du KGB. Hein, un très bon connaisseur du Moyen-Orient. Ouais, donc Primakov exige du Kurde qu'il soit le plus discret possible. Nul ne doit savoir qu'il se trouve en Russie. Et on le loge avec ses femmes dans une modeste maison de la banlieue de Moscou. Mais Ocalan n'est pas homme à tenir en place. Et il fait le malin. Il téléphone à une agence de presse kurde en Allemagne. Comment? Pourquoi? Pour donner ses nouvelles? Et croit-il, pour tromper ceux qu'il recherche, il déclarera qu'il se trouve quelque part en Anatolie. C'est-à-dire en Turquie? Oui, mais cette communication est interceptée. Et par qui? Les grandes oreilles américaines, la NSA. Le fameux réseau échelon. Cette interception a permis de localiser Ocalan. Les services américains, bien évidemment, n'ont rien de plus pressé que d'avertir leurs bons amis turcs. Ouais. Alors, ça signifie donc que les Américains s'intéressaient aussi de très près à Ocalan. C'est un terroriste. Par conséquent, il fait partie des hommes qu'il faut surveiller, éventuellement capturer. Enfin, je poursuis. Ankara ne tarde pas à demander des explications à Moscou. L'ambassadeur russe est convoqué au ministère des Affaires étrangères turc. Il s'en sort par une réponse évasive. Mais il est évident que le gouvernement russe est embarrassé par l'affaire. Et Primakov se dit que le mieux serait que le leader kurde s'en aille au plus vite. Une expulsion? Oui. Mais les communistes et les ultranationalistes de Jirinovski se démènent comme de beaux diables pour que la Douma, le parlement russe, décide d'offrir l'asile politique à Ocalan. Toutefois, Primakov finit par trancher. Un mois après son arrivée, Ocalan est embarqué dans un avion à destination de Rome. Rome? Qui a choisi cette destination? Ocalan, lui-même. Voilà. Pourquoi l'Italie? Le Kurde estime qu'il y recevra un bon accueil de la part du gouvernement de gauche dirigé par l'ancien dirigeant communiste Massimo D'Alema, un premier ministre qui a récemment accepté que se tienne dans son pays une réunion du parlement kurde en exil. Et alors, l'accueil d'Ocalan est effectivement favorable? Non. Dès son arrivée, Ocalan est arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui par la justice allemande. Ça signifie qu'il peut être remis aux autorités allemandes? Oui, mais les Allemands se gardent bien de demander son extradition. C'est un mandat d'arrêt, mais bon. Enfin, pour quelle raison? Il existe une forte communauté kurde outre-Rhin. Et les Allemands ne veulent pas avoir d'ennuis avec leurs Kurdes en ouvrant un procès contre Ocalan. C'est aussi simple que ça. D'autant que les Kurdes commencent à manifester un peu partout en Europe. D'Alema se retrouve donc seul avec la patate chaude d'Ocalan. Que faire? La Turquie demande avec insistance que le leader kurde lui soit remis. Mais pour le premier ministre italien, il n'en est pas question. Et d'abord parce que Ocalan risque la peine de mort dans son pays. En attendant de trouver une solution, Ocalan quitte la prison et est placé en résidence surveillée. Ouais, mais ça peut pas durer. Bien sûr. Oui. Massimo D'Alema se tourne vers ses partenaires européens, qui se défilent rapidement. Personne ne veut prendre le risque d'accueillir Ocalan sur son sol. Même les Grecs, ennemis traditionnels des Turcs, refusent. Ils ont déjà assez de problèmes comme ça avec leurs voisins pour ne pas en rajouter. Alors, les Italiens proposent l'Albanie. Mais c'est alors qu'Ocalan dit non. Les Albanais, affirme-t-il, entretiennent de très bonnes relations avec les services secrets turcs. C'est vrai, ça? Oui. Par conséquent, Ocalan risquerait d'être enlevé ou peut-être même assassiné. D'autant que le Kurde a toujours proclamé être un grand admirateur de l'ancien dictateur albanais, Enver Hoxha. Alors, en désespoir de cause, les Italiens pensent à la Libye. Mais là, ce sont les Américains qui s'y opposent. Ocalan chez Kadhafi, ce serait un vrai casus belli entre Rome et Washington. Ça veut dire en tout cas que les Américains continuent de s'intéresser de très très près au destin d'Ocalan. Ils ne cesseront pas, jusqu'à la fin. Le gouvernement italien est donc dans l'impasse. Et il se résout à renvoyer le colis à son expéditeur. L'expéditeur, c'est la Russie? Oui, Rome a frété un petit avion qui emporte Ocalan et sa suite vers Saint-Pétersbourg. Ouais, action de Moscou. Hein. Embarras et colère, la suite est confuse. Le premier ministre, Primakov, en attendant de trouver une solution, met Ocalan au secret et l'envoie sans doute loin de Moscou, à Nijni Novgorod. Mais ça ne peut être que provisoire. Toutefois, c'est peut-être là, en Russie, que se prépare déjà le piège dans lequel finira par tomber Ocalan. Ocalan est resté 6 semaines en Italie. 6 semaines éprouvantes pour le premier ministre Massimo D'Alema. Car, malgré sa sympathie pour la cause kurde, Ocalan était pour lui un touriste bien encombrant, à cause notamment de sa personnalité sulfureuse. Dans Le Monde du 18 février 1999, Sylvain Sipel l'explique ainsi. Les Italiens se rendent à l'évidence devant l'impossibilité de faire mousser la question kurde, à travers la personnalité d'un homme que beaucoup jugent indigne de la cause, et devant les multiples pressions, il ne reste qu'à s'en débarrasser. Le 16 janvier, deux policiers viennent le cueillir dans sa villa près de Rome, direction un aérodrome militaire. Öcalan monte à bord d'un petit appareil non identifié de couleur blanche, sans signe distinctif sur sa carlingue. Quand vous parlez de piège... Je pèse mes mots. Je vais vous expliquer. Encore un petit peu de patience, vous voulez bien. Le premier ministre russe, ancien patron du KGB, comme vous l'avez vous-même dit, fait appel à un spécialiste, un agent des services secrets grecs, un certain Kalderidis. Pourquoi lui? Parce qu'il connaît bien les Kurdes en général, et Öcalan en particulier, selon le principe qui veut que les ennemis de mes ennemis sont forcément mes amis. Les Grecs n'ont jamais été hostiles aux Kurdes, bien au contraire. C'est-à-dire qu'ils ont été jusqu'à les aider? Certainement. Mais si vous voulez bien, je reviens à ce Kalderidis. En accord avec les autorités de son pays, il se rend en Russie. Et là, il prend contact avec Öcalan? Naturellement. C'est le but de son voyage. Car le leader kurde lui fait confiance. Ici, d'ailleurs, se place un épisode assez étonnant. Öcalan, à l'instigation de son avocate, s'envole pour la Hollande. Il veut se livrer à la cour de La Haye afin de bénéficier d'une juridiction internationale. Bizarre, quand même. Et Kalderidis, c'est du voyage? Oui, désormais, il ne quittera plus Öcalan. Cette virée vers les Pays-Bas se traduit par un échec. Les Hollandais n'ont nulle envie d'hériter de cette affaire épineuse et ils refusent l'atterrissage de l'avion d'Öcalan. Voilà. Se passe-t-il retour vers la Russie? Non, n'oubliez pas que Kalderidis est à bord. L'Antonov prend la direction de la Grèce. Ouais, mais vous m'avez dit que les Grecs ne voulaient pas accueillir Öcalan chez eux pour ne pas envenimer leur rapport avec la Turquie. C'est tout à fait juste. Aussi, un grand flou entoure la présence du leader kurde sur le sol grec. Des informations contradictoires circulent. Enfin, je vous passe les détails. L'important dans cette histoire, c'est que Öcalan est maintenant sous le contrôle des services secrets grecs. Et de ce Kalderidis, hein. Bien entendu. Öcalan est alors aux abois. Mais il ne sait plus où aller. Et les Grecs suggèrent deux solutions. La première, c'est les Seychelles. La deuxième, c'est l'Afrique du Sud qui aurait accepté de lui accorder l'asile politique. Dans les deux cas, remarquez-le bien, l'Antonov que les Russes ont mis à la disposition du leader kurde devra faire escale au Kenya. Pourquoi insistez-vous particulièrement sur ce point? Eh bien, parce que c'est au Kenya que doit se refermer le piège sur Öcalan. Ouais. Enfin, je ne veux pas vous couper vos effets, mais ça veut dire que les Grecs, les services grecs, sont partie prenante de l'organisation de ce piège. Bah, c'est évident. Alors, que se passe-t-il? Öcalan, qui n'a guère le choix, accepte de repartir. Les services grecs, pour le mettre en confiance, lui ont remis un faux passeport chypriote. L'avion d'Öcalan se pose, comme prévu, au Kenya, sur une piste discrète, pas très loin de la capitale, Nairobi. Là, attendent des voitures de l'ambassade grecque qui embarquent le leader kurde et ses trois compagnes. Et où vont-ils, là? Eh bien, ils vont être logés dans les locaux de la représentation diplomatique grecque. Mais attendez, là. Nairobi, enfin le Kenya, ça ne devait être qu'une escale. Öcalan doit se méfier, non? C'est possible. Mais il doit aussi se sentir à l'abri. Et d'ailleurs, Kalderidis le rassure. Avant de repartir vers l'Afrique du Sud, il doit régler quelques détails avec Pretoria et même faire un voyage à Johannesburg. C'est vrai, ça? J'observe simplement que ce Kalderidis revient bien vite à l'ambassade. Les autorités kenyanes l'auraient refoulé alors qu'il allait prendre l'avion. Encore bizarre, hein? Je suis d'accord. Pourquoi ce citoyen grec qui avait des papiers en règle aurait-il été empêché de partir pour l'Afrique du Sud? Alors, le piège, toujours. Oui, mais écoutez la suite. L'ambassadeur grec, qui n'est pas dans le coup, observe que les locaux de la représentation diplomatique sont cernés par des forces militaires kenyanes. Affolé, il téléphone à son patron, le ministre des Affaires étrangères grec. Il demande des renforts, c'est-à-dire l'envoi urgent d'agents des services secrets. Donc des collègues de Kalderidis, hein? Oui, censés protéger Öcalan. Et ces hommes arrivent, hein? Oui, trois jours après le coup de téléphone de l'ambassadeur. Mais curieusement, ces nouveaux venus n'ont de cesse de demander à Öcalan de quitter le refuge de l'ambassade. C'est toujours étonnant, cette histoire. Mais il accepte alors? Bien sûr que non. Mais le ministre des Affaires étrangères grec lui téléphone personnellement. Il l'assure que tout est arrangé. Les Pays-Bas sont finalement d'accord pour l'accueillir. Donc, mis en confiance, Öcalan se résout enfin à quitter l'ambassade grecque. Donc, plus question d'Afrique du Sud, là. Il croit qu'il va prendre l'avion pour Amsterdam. Absolument. Mais au pied de la tour où est installée la représentation diplomatique, des militaires kenyans attendent. Öcalan est invité à monter dans une jeep de l'armée. Ses trois compagnes, elles, sont regroupées dans un véhicule civil. Et le convoi se dirige vers l'aéroport. Mais bientôt, la jeep où se trouve le Kurde se sépare de la colonne. Direction ce même aéroport discret où l'Antonov a atterri 10 jours plus tôt. Un Falcon attend sur la piste. Un Falcon qui appartient à un riche homme d'affaires turc. Turc. Ouais, et à l'intérieur se trouvent des agents des services turcs. Naturellement. Öcalan est pris au piège. Ligoté, les yeux bandés, drogué, il atterrira dans une petite île turque qui sera désormais sa prison. Mmh. Alors, je pense qu'il faut remonter un petit peu en arrière pour bien comprendre. Tout à fait. Mmh. Une précision préalablement. Les Turcs ont toujours prétendu que le mérite de la capture ne devait revenir qu'à leur service secret. Ils ont nié avoir été aidés. Oui, c'est ça. Ouais. Il a quand même fallu au minimum qu'ils se soient assurés de la coopération des Kenyans. Certainement. Mais ça ne pouvait pas être suffisant pour monter une telle opération. Il faut des spécialistes. Et jusqu'à preuve du contraire, les services turcs n'avaient aucune expérience dans ce domaine. Donc, vous en êtes sûr, vous, ils ont été aidés? Oui, une certitude d'abord. Tout au long de son errance, Öcalan n'a jamais cessé d'être surveillé par les services américains. Qui ont suivi ses déplacements? Mais ça n'a pas dû être très difficile. Les Grecs sont des partenaires au sein de l'OTAN. Et leurs services de renseignement entretiennent de bons rapports avec la CIA. Autre chose, les Turcs ont exercé une sorte de chantage sur les Américains pour qu'ils se mêlent de cette affaire. Chantage? Exactement. Tous les gouvernements turcs successifs étaient irrités de devoir laisser l'aviation américaine utiliser sa base d'Incirlik pour aller régulièrement bombarder l'Irak. Ah, mais la Turquie et les États-Unis étaient alliés aussi. D'accord. Il y avait la question kurde. Ces bombardements américains au nord de l'Irak avaient pour but de protéger la zone autonome kurde. Et ça, ça ne plaisait pas aux Turcs. Ouais. Toujours la peur de la contagion. Oui. Au fond, la Turquie s'accommodait très bien de Saddam Hussein, le massacreur de Kurdes. Par conséquent, Ankara fait pression sur les Américains. Ou vous nous aidez à capturer Öcalan, ou alors nous interdisons à vos avions bombardiers d'utiliser la base d'Incirlik. Ça vous paraît plausible, ça? Très plausible. Écoutez bien. Le vice-président irakien, Tariq Aziz, est invité à se rendre à Ankara en février 1999. On le reçoit avec tous les honneurs. Tariq Aziz en profite pour protester contre l'utilisation d'Incirlik par les avions américains. Le premier ministre turc, Bülent Ecevit, lui prête une oreille attentive et promet de réfléchir. Très peu de temps après, Öcalan est capturé à Nairobi. Et il y a un rapport évident pour... Oui, et remarquez que le lendemain, Ecevit annoncera à Bagdad que les avions américains pourront continuer à décoller d'Incirlik. Mais, pour être tout à fait franc, je pense que si les Américains ont cédé à cette forme de chantage, ils n'ont pas agi par eux-mêmes au Kenya. Alors qui? Les Israéliens, alliés des Turcs. Les Israéliens qui, eux, avaient une grande expérience dans ce genre d'affaires. Rappelez-vous l'enlèvement d'Adolf Eichmann. Les Israéliens qui étaient aussi du dernier mieux avec les Kenyans. En particulier depuis Entebbe. Ils sont partis du Kenya pour aller attaquer l'avion piraté et les otages. Et il est certain que de nombreux agents israéliens se trouvaient à Nairobi lors de la capture d'Öcalan. Oui, mais vous avez commencement de preuve, là? Écoutez, dans ce domaine, vous pensez bien que les services secrets ne laissent rien derrière eux. Mais voyez-vous, tout ça m'est revenu à l'esprit il y a quelques mois lorsque l'on a appris qu'une double attaque terroriste avait été dirigée contre Israël au Kenya. Oui, le dynamitage d'un hôtel. Hein. Et une attaque au missile, heureusement ratée contre un avion civil israélien. Et s'il s'était agi pour les terroristes de venger Öcalan? Les Israéliens ont toujours nié avoir joué un quelconque rôle dans la capture d'Abdullah Öcalan. Commentaire de Georges Marion dans Le Monde du 18 février 1999, je le cite. La difficulté avec ce genre d'affaires est que tout démenti est a priori perçu comme de circonstance. Difficulté supplémentaire qui rend délicat le discours israélien, les services turcs, à tort ou à raison, ne sont pas considérés comme capables de mener une opération d'enlèvement en Afrique. Il en va tout autrement d'Israël, dont les relations avec le Kenya sont anciennes et fortes.